Le journal du futur. Bonjour à tous, on commence ce journal avec ce cri d'alarme lancé par la Fédération européenne des marchands d'armes. Le secteur affiche pourtant une santé insolente, grâce notamment à la pérennisation des conflits sur le continent africain. Mais les experts sont inquiets. La demande pourrait chuter dans les années à venir, faute de combattants. Explication Philippe Grosjean. Les marchands d'armes seraient-ils victimes de leur succès? Alors que les conflits ne cessent de se multiplier sur la planète, les acheteurs se font de plus en plus rares. Pourtant, l'argent ne manque pas. Mais l'amélioration des performances meurtrières des produits risque d'entraîner une baisse dramatique de la demande. Serge Wolfowitz, porte-parole de la Fédération européenne des entreprises d'armement. Nous avons été trop gourmands. Il faut le reconnaître. Nous n'avons pas su anticiper l'impact de notre croissance exponentielle sur le marché, et aujourd'hui, il faut revoir notre politique marketing pour ne pas répéter les erreurs commises jusqu'à présent. Pour vous donner un exemple, sur un simple conflit entre éleveurs et agriculteurs, comme nous l'avons connu au Niger le mois dernier, l'offre la plus adaptée aux deux parties en présence était-elle vraiment les batteries de lance-missiles à tête chimique? Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il est sain que nous nous posions la question. Une position que partage l'organisation Non à la guerre qui tue trop de gens. Son président Bernard Chevalier appelle les gouvernements à plus de responsabilités. Attention à ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Ce que nous souhaitons, c'est donc une reconnaissance d'un certain nombre de principes dans le commerce des armes. Il ne s'agit pas de limiter la fourniture d'armes et de munitions dans des zones où les droits de l'homme seraient largement bafoués. Ce que nous voulons, c'est un comportement qui soit à la fois responsable, transparent et proportionné de la part aussi bien des États exportateurs que des États importateurs. Et dans le but de responsabiliser les acteurs du secteur, l'association Un homme, une arme organise dès demain un colloque à Kinshasa sur le thème de la bonne gestion de la guerre. L'actualité en France avec les suites du scandale de l'élection de Miss Minorité Visible. La lauréate pourrait perdre son titre pour avoir triché lors de l'épreuve du mélanotest. Fatima Mekassoua est fortement soupçonnée d'avoir utilisé de l'auto-bronzant pour entrer dans la catégorie Minorité Visible. Son avocat, Maître Collard, a déposé un recours pour lui permettre de concourir dans la catégorie Majorité Invisible. Le blues des banlieues, il existe toujours. Malgré les multiples promesses, rien ne change dans la périphérie des grandes villes. Un reportage de Sylvain Lepetit. Cela fait maintenant 10 ans que l'on ne parle plus du tout des banlieues. Pas un reportage, pas une visite de responsables politiques, pas une seule opération de police. La grande époque du début du siècle semble bel et bien révolue. La banlieue n'intéresse plus personne. Alors à qui la faute? Aux architectes qui, avec leurs multiples travaux d'aménagement et de rénovation, ont rendu ces quartiers attractifs. Aux employeurs qui, à force d'embaucher des jeunes des quartiers, leur ont ôté toute velléité de révolte, au ministre de l'Intérieur qui a déployé dans les cités des équipes de policiers sociologues. Toujours est-il que les jeunes dépriment, ils se sentent abandonnés, pire, ils ont la honte, comme on dit là-bas, vis-à-vis de leurs grands-parents qui faisaient à l'époque régulièrement la une des 20 heures. Alors comment sortir de cette spirale infernale de la tranquillité morose? Comment, à quelques mois des élections, attirer de nouveau l'attention des médias et de la classe politique? Aziz Bougag, sociologue des médias à l'université Charles Villeneuve, nous donne quelques pistes. La meilleure possibilité pour prendre en main le destin de ces quartiers, eh bien c'est d'aller casser des écoles maternelles, des entreprises, dans son quartier. Ce sera la meilleure réponse politique. Mais il faut bien faire comprendre à tous ces enfants des cités, aujourd'hui plus qu'hier, que c'est absolument impensable d'aller voter. Et l'association Ma Cité à Moi organisera samedi une grande cérémonie médiatique dans le quartier de la Grande Borne à Corbeil-Essonne. Un lampadaire sera symboliquement démonté par des jeunes encagoulés au cri de « mort aux agents de police ». Les inscriptions se font dès maintenant à la MJC de Corbeil. Les cagoules sont gracieusement fournies par les télépartenaires de l'événement. Mais d'autres acteurs du terrain sont sceptiques quant à la capacité des jeunes d'aujourd'hui à faire brûler leur cité avec la ferveur des anciens. Cela ne s'improvise pas, nous explique le porte-parole de l'association sportive Eduflamme, furieuse de ne pas avoir été impliquée dans cette opération. Eduflamme qui propose des stages d'été progressifs à des tarifs très compétitifs. Vous parlez de ces gens de 17 ans, de 16 ans. Il faut savoir que pour en arriver à un acte grave dans la violence, il faut avoir commencé assez tôt à délinquer, quoi. Et qu'on a commencé par des petits vols, etc., etc. Parce que quand on brûle un bus, c'est qu'avant, on a fait un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ça? L'actualité à l'étranger à présent, avec ce remaniement ministériel en Arabie Saoudite. Le ministre du Commerce extérieur a été limogé hier pour impiété. Abdelkader Lasraoui a été dénoncé par sa femme de ménage qui s'est rendu compte que ses pantalons ne faisaient pas de poche aux genoux. Preuve irréfutable que le ministre ne s'agenouillait pas régulièrement pour faire ses prières. Il a été lapidé à coups de fer à repasser. Une nouvelle idée ingénieuse pour lutter contre la sécheresse, elle nous vient de l'Institut Eau pour tous d'Annone, où le mariage exemplaire de l'action humanitaire et du profit. Une idée que nous explique son inventeur, le professeur Hervé Pelgaud, en charge du programme Afrique. Alors, l'idée est simple, voyez-vous. On s'est dit, pourquoi donner de l'eau aux pauvres et combien de temps ça va durer? C'est vrai, c'est sans fin cette histoire. Et puis, un soir, j'ai eu une révélation. Ne donnez pas de l'eau à un pauvre, apprenez-lui à chercher des nappes phréatiques. C'est vrai, c'est génial. Et ça nous coûte quasiment rien. On va se retrouver avec une petite armée de chercheurs de nappes, on leur fournit juste un bâton de sourcier chacun et hop, ils travaillent pour nous au développement durable. Et quand ils trouvent? Ah mais on leur fournit aussi une petite bouteille avec. Ils auront le droit de la remplir. Bon, les premiers vont sans doute perdre leur petite bouteille. Ou la casser. Mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Et toujours à propos du réchauffement climatique, la malaria n'est plus une maladie tropicale, une maladie de pauvres. Le paludisme se propage massivement en Europe du Nord depuis hier midi. Les sonneries de portables à ultrasons dont nous vous parlions il y a quelques semaines ne suffisent pas à éloigner les hordes de moustiques déferlant tels des vikings assoiffés de sang sur Stockholm et Reykjavik. Mais les responsables de l'opération Tempête sur Ragnarok se veulent rassurants. Avec un peu de volonté, la confection d'un vaccin ne devrait pas prendre plus de 48 heures. Et ce ne sont pas les cobayes qui manquent, ironise le directeur régional des laboratoires GlaxoSmithKline au Nigeria, partie prenante de l'opération. Mais revenons à la France, où ici aussi la question des testeurs se pose. Nous avions mentionné dans notre précédente édition l'inquiétant ralentissement de la vente et de l'innovation dans l'industrie pharmaceutique. L'arrivée de la malaria ne suffira pas à régler ce problème. Il faut aussi développer des médicaments novateurs pour des maladies locales. Mais les malades étant souvent peu enclins à servir de cobayes, les laboratoires souhaitent obtenir un changement de la loi. Le projet, déposé hier par le député Mérieux, vise à limiter l'interdiction de pratiquer des expériences uniquement sur les malades qui expriment clairement leur refus. Ce qui ajouterait au pool des volontaires les personnes dans le coma, les personnes paralysées, les muets, les personnes au sommeil un peu lourd. Et si les laboratoires arrivent à pousser leur projet de réforme, les personnes qu'ils auront eux-mêmes assommées. Les grands groupes pharmaceutiques se disent néanmoins prêts à certaines concessions et dans un véritable esprit de dialogue s'engagent à distribuer gratuitement des gourdins stérilisés aux hôpitaux. Cette fois, ça y est, la fabrication à la demande de noirs de synthèse est au point. Une prouesse technologique saluée par l'industrie audiovisuelle qui pourra désormais respecter les quotas de présentateurs et d'acteurs noirs dans ses programmes sans avoir à les fréquenter. Et petite touche humoristique, le premier produit sorti du laboratoire a épousé les traits d'Harry Roselmack, qui, rappelez-vous, avait été le premier présentateur noir de TF1 il y a près de 40 ans, au grand dam de ses collègues d'alors. Nous avons fouillé dans les archives de la première chaîne de télévision de l'époque, TF1. Écoutez le chef opérateur du JT. Non, franchement, on est inquiet. Un homme travailler dans ces conditions, c'est pas une vie. Toute la journée avec la peur au ventre. Ça fait 20 ans que la télé nous dit qu'il faut se méfier des noirs et tout ça. Et là, ils nous en mettent un sur le plateau. Il rentre à la maison, vous comprenez. Il est tout tourneboulé. Hein que t'es tout tourneboulé? Bah oui, c'est vrai. Je dors plus, vous savez. On a installé une vitre spéciale entre le studio et la technique. Mais même comme ça, on se dit qu'il suffit d'un moment d'inattention. Économie à présent, pour répondre à l'aspiration grandissante de la majorité des chefs d'entreprise à plus de transparence, les demandeurs d'emploi se verront désormais tatouer leur CV sur le corps. Le but étant de garantir une véritable traçabilité des produits mis sur le marché du travail. Toutes les précautions d'usage sont prévues par le nouveau texte de loi. L'autorisation de déshabiller les recrues potentielles lors des entretiens d'embauche ne sera octroyée que sur preuve de l'aménagement d'une salle de tatouage dans les locaux de l'entreprise, ou de la prise d'un forfait permanent chez un professionnel. Le syndicat des tatoueurs ne cache pas son enthousiasme pour cette nouvelle mesure qui devrait apporter un généreux coup de pouce à l'industrie du tatouage. Eh bien, c'est un peu comme le rap qui était sorti de son ghetto pour être utilisé, réadapté par tous. Bah, c'est la même chose. Aujourd'hui, le tatouage va être utilisé comme un média, avec son propre format, ses codes graphiques précis, qui peuvent être utilisés par tout le monde. La météo vous est présentée par CCTV, télévision centrale chinoise. CCTV, pour une météo plus originale et moins chère que la vôtre. C'était la météo avec CCTV. Et oui, en Chine, traditionnellement, la vie des présentatrices météo n'a pas la même valeur car elles sont des milliards. On se retrouve dans 15 jours en direct de New York pour la cérémonie officielle tant attendue de la dissolution de l'Organisation des Nations Unies. Car certains ne s'en souviennent peut-être pas, mais l'ONU existe encore. Bonne fin de soirée sur Radio Futur.